Tout de suite, comme chaque vendredi, c'est le moment de retrouver François Morel. C'est à vous, François. Cette semaine, on a appris la dangerosité de la charcuterie. Manger du boudin tue. Déguster des rillons nuit gravement à votre santé. Les amateurs d'andouillettes meurent prématurément. Ce sont les avertissements qu'il faudra désormais inscrire sur l'emballage des charcuteries. Avaler du cervelas pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant. Arrêter le jambonneau réduit le risque de cancer colorectal. Faites-vous aider pour arrêter. Téléphonez au 39 87 15 centimes la minute. Si les pouvoirs publics étaient responsables, ils imposeraient aux fabricants de rillettes d'imprimer une image dissuasive sur au moins 40% de la surface du pot. Je propose à cet effet de faire parvenir aux communicants du ministère de la Santé mon taux de cholestérol. Mais ce n'est pas tout. En me promenant sur le web, une autre nouvelle m'a alerté. Et en tant que Normand, je ne pouvais pas me taire. Il eût été plus facile de détourner le regard, de contempler ailleurs, de ne pas attacher d'importance à cette information découverte récemment. Il eût été plus commode de ne pas se faire l'écho d'une nouvelle qui fait vaciller les fondements même de toute une civilisation. Tant pis, j'ai décidé de consacrer ma chronique de ce vendredi à un phénomène qui a fait l'objet d'une étude de l'Université du Michigan, l'addiction fromagère. Oui, le camembert, le Pont-l'Évêque, le Livaro sont les autres noms donnés à l'héroïne, à la morphine, à la cocaïne. L'addiction au fromage ressemble à celle des drogues dures. Le fromage, à cause de la caséine, protéine qui a un effet sur l'organisme, est comparable à celui des opiacés à travers ce composant chimique appelé casomorphine qui activerait les récepteurs du cerveau liés à la dépendance. Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont analysé le comportement alimentaire de 500 étudiants. Les résultats sont accablants. Car cette étude le prouve, on peut être accro à la mimolette, au coulommier, au Saint-Nectaire, comme on l'est à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. Alors je ne pouvais rester muet, moi qui suis né pas si loin de ce triangle menaçant dont les extrémités ont des noms qui font peur. Pont-l'Évêque, Livaro, Camembert. Moi qui ai ouvert l'œil tout près de cette véritable plaque tournante de la pâte molle. Moi qui suis apparu si proche de ces cartels du produit lacté, voisins de ces petits revendeurs qui font leur beurre sur la matière grasse, trafiquants et dealers en tout genre qui sur la place du marché le samedi matin en velours côtelé, sous leur casquette débonnaire font leur sombre commerce, je ne pouvais m'empêcher de dire ma colère et mon dépit. Ah, tout d'un coup l'on comprend mieux l'excentricité des œuvres des grands Normands quand on découvre hagards, déçus, désappointés, qu'ils étaient sous l'influence de ces narcotiques dangereux, de ces hallucinogènes sous appellation d'origine contrôlée. Sans Camembert et sans Pont-l'Évêque, sans Livaro et sans Neuchâtel, aurait-on seulement jamais entendu parler des travaux d'Alphonse Allais, d'Éric Satie, d'André Breton? Connaîtrions-nous aujourd'hui les inventions délirantes, extravagantes, hallucinées d'Olivier Saladin, de Valérie Lemercier, de Gérard Larcher? Moi-même, ne suis-je pas sans le savoir un toxicomane qui ne réussit à rendre ma copie hebdomadaire que sous l'emprise de l'affinage et du cahier? Pourquoi commence-t-on un jour à prendre une part de camembert? Pour faire comme les autres, pour s'amuser, se détendre, pour faire une expérience, pour améliorer ses performances professionnelles, sexuelles. Parce qu'on est timide, parce qu'on est mal dans sa peau, on avale une part de Livaro. Parce qu'on désespère, on ingère du camembert. Suzanne Flon, dans Un singe en hiver, tente comme elle peut de remonter le moral à son mari. Parce que tu sais, si ça te manquait vraiment, si tu y pensais trop, tu pourrais, je ne sais pas moi, reprendre un peu de fromage au repas, une demi-part de Pont-l'Évêque. Une demi-part, réplique Gabin suprêmement inconsolable. Une demi-part. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce ne serait plus le fromage, ce serait l'ivresse du Pont-l'Évêque. Merci François Morel, chronique à retrouver sans l'odeur sur franceinter.fr. On peut le dire maintenant, vous passez vos journées à dealer du Pont-l'Évêque et du Livaro dans les couloirs d'Inter. C'est vrai. C'est un trafic qui marche bien. J'en ai pour vous. Merci discrètement s'il vous plaît, on nous écoute. Merci François Morel.